Section 28, chapitre 28. La situation que cet entretien créait à Charlotte était terrible. Il fallait en effet qu'elle acceptât instantanément un mariage auquel jusqu'à ce jour elle n'avait jamais songé, sous peine de désoler les derniers jours de son père et peut-être même de les abréger par le chagrin en refusant. Il lui avait, il est vrai, accordé un délai pour réfléchir à cette étrange proposition. Mais cela n'était pas sérieux. On n'a ni délai ni réflexion quand on sait que chaque minute de retard à se décider apporte une souffrance à ceux qu'on aime. Ainsi formulée, une proposition est un ordre auquel on n'a qu'à obéir. À la vérité, elle n'avait aucun grief personnel contre celui qu'on lui présentait, et elle était disposée au contraire à reconnaître en arbonton toutes les qualités dont M. de la Hérodière le paraît. Depuis qu'elle le connaissait, et en toutes les occasions, il s'était montré à elle sous le jour le plus favorable. Il fallait qu'il voulût l'épouser pour qu'elle trouvât en lui des défauts. L'ami ne lui inspirait que de la sympathie, le mari que de la répulsion. Son mari, c'était Georges. Elle n'aurait jamais été sa femme aux yeux de la loi ou du monde, mais pour toujours elle serait sa veuve. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas l'église qui fait les mariages. C'est la volonté, le cœur, l'amour. Et par la volonté comme par l'amour, elle était mariée à Georges. Au moins c'était ainsi qu'elle avait raisonné depuis qu'elle avait recouvré le sentiment. Dans les longues heures de sa convalescence, alors qu'elle restait silencieuse, assise dans un fauteuil regardant la mer, comme si elle prenait un puissant intérêt à suivre des yeux les voiles blanches qui passaient au large, elle n'avait eu qu'une pensée, Georges. Ce n'était point avec ses yeux qu'elle regardait, c'était avec son âme. Et celui qu'elle voyait, celui près de qui elle était, c'était Georges, lui, toujours lui, et lui seul. Pourquoi l'avait-il abandonné? Il ne l'aimait donc plus? Il ne l'avait donc jamais aimé? Ainsi seulement pouvait s'expliquer cet abandon si cruel. Mais elle l'avait aimé, elle. Elle lui avait donné son amour et ne l'avait pas repris. Rêvant l'impossible et se demandant ce qu'elle ferait si par miracle il revenait à elle, sa réponse n'avait jamais varié, elle ne l'accepterait pas. Mais de là à en accepter un autre, il y avait un abîme infranchissable, ou tout au moins qu'elle avait cru tel. Elle descendrait son amour dans son cœur, elle le scellerait là, comme un mort, sous les pierres d'un tombeau. Personne ne le saurait, elle n'en parlerait jamais, mais elle entretiendrait pieusement cette sépulture où seraient enfermées les joies de sa jeunesse, et elle vivrait avec ce souvenir. Cependant, il fallait maintenant le franchir, cet abîme. Ce n'était pas de ce jour qu'elle connaissait le sentiment de son père sur le mariage. Maintes fois, dans leur promenade, aux heures de l'intimité et de l'épanchement, il lui avait parlé de ses désirs. Jamais il n'avait varié. Avant de mourir, il voulait la voir mariée. Il voulait connaître ses petits-enfants. Que de rêves, que de projets! Il avait été jusqu'à composer d'avance une méthode pour qu'ils apprissent facilement à lire. Il les prendrait avec lui dans ses promenades, et en jouant, il leur apprendrait les noms des plantes, des insectes, des coquilles. Sans avoir eu la peine d'étudier, lentement, il saurait tout ce qu'on a tant de mal à faire entrer de force dans la tête des enfants. Chez lui, c'était une idée fixe, une sorte de monomanie que le mariage de sa fille. Il avait véritablement fallu que la répulsion que Georges lui inspirait fût bien profonde, pour qu'il ne l'eût pas depuis plusieurs années déjà accepté pour son gendre. Quelles angoisses il devait éprouver en se sachant menacé de mort. Il ne verrait donc pas la réalisation de tous ses rêves. Il ne verrait pas ses petits-enfants. Peut-être même ne verrait-il pas sa fille mariée. Pouvait-elle lui imposer cette douleur? Pouvait-elle rester sourde à sa dernière prière? Que dire d'ailleurs pour justifier son refus? Qu'elle aimait Georges? Jamais ses lèvres ne prononceraient un pareil aveu. Elle pouvait bien subir la lâcheté de son amour, mais elle n'accepterait jamais la honte de le confesser. Et cependant, si elle résistait à la demande de son père, il lui fallait de bien puissantes raisons pour expliquer cette résistance. Lesquelles? Oh, si Narbanton avait été bossu ou bête, ou seulement s'il avait été pauvre! Mais il était grand, droit, fort, mais il avait de l'esprit, au moins autant que ceux qu'elle connaissait. Mais il avait de la fortune, et même beaucoup plus qu'elle n'était en droit d'en demander à son mari. 20 fois avec son père, elle avait reconnu en lui toutes ses qualités. Comment, maintenant, ne lui trouver que des défauts, alors qu'elle ne pouvait pas avouer le seul qu'elle eût à lui reprocher? Pendant toute la journée, elle resta assise auprès du lit de son père, et sans avoir une minute de repos, elle agita ses questions dans sa tête troublée. Après avoir tourné et retourné le pour et le contre, elle se décidait à accepter, puis au moment d'ouvrir les lèvres, elle se sentait faiblir, elle attendait encore. Mais son père, comme s'il lisait sur son visage ce qui se passait au plus profond de son cœur, la provoquait à parler quand, dans un moment d'attendrissement, elle fixait sur lui ses yeux émus. « Tu veux me dire quelque chose ?» demandait-il. 10 fois, elle fut pour répondre par le mot décisif, mais toujours ce mot resta dans sa gorge serrée. « Non, disait-elle, mais toi, n'as-tu besoin de rien ?» Le soir arriva, elle n'avait rien dit, rien résolu. Elle ne pouvait plus suivre sa pensée. Elle espéra que la nuit lui rendrait le calme et la raison. Il n'y avait pas péril à attendre. La journée avait été assez bonne pour le malade. À l'approche de la nuit seulement, il s'était manifesté une certaine aggravation dans son état. Douleurs plus vives, toux plus fréquentes, gêne plus grande de la respiration, rougeur plus prononcée de la face. Cependant, cet état n'était pas tel qu'il dût inspirer des craintes immédiates. Au moins, ce fut l'opinion de Narbanton qui arriva pour passer la nuit auprès de M. de la Hérodière, comme il avait été convenu. S'étant trouvé seul un moment avec Charlotte dans le vestibule, il la rassura. Ce redoublement dans les symptômes généraux était dû à l'approche de la nuit, et cet effet se produisait fatalement dans toutes les pleurésies. Il n'y avait donc pas à s'en alarmer. Il dit cela avec autorité, comme un homme qui sait ce dont il parle, et elle se laissa persuader. Elle fut plus rassurée encore lorsqu'elle le vit s'installer auprès de son père, à la façon dont il marchait, à pas glissés, à sa manière de tout mettre en ordre dans la chambre, sans faire de bruit, le bois auprès de la cheminée pour entretenir le feu durant toute la nuit, les fioles sur la table, la machine à esprit de vin. On devinait tout de suite qu'il savait soigner les malades. « Va te reposer, » dit M. de la Hérodière en s'adressant à sa fille. « Tu vois que tu me laisses aux mains d'un bon infirmier. »« Soyez sans crainte, » lui dit Narbanton en la conduisant à la porte. « S'il survient quelque incident, je vous ferai éveiller. » Il se produisit pour Charlotte ce qui arrive assez souvent lorsqu'on est sous le poids d'une grave préoccupation et que tous les organes sont accablés par la fatigue. Elle dormit d'un sommeil de plomb. Lorsqu'elle s'éveilla au petit jour, elle fut désespérée. Et quoi ? Pendant que son pauvre père était mourant, elle avait pu dormir ainsi ? Il n'avait pas dormi, lui, pendant tout le temps qu'elle avait été malade. La vie de son père était en danger, sa propre vie à elle-même, en tout cas, son amour était en jeu, et elle avait dormi. Elle se leva vivement et entra dans la chambre de son père. La nuit n'avait pas été mauvaise, il ne s'était rien présenté d'insolite. La maladie semblait suivre un cours régulier, sans complications graves. Le docteur Carfons arriva de bonne heure et se montra assez rassuré. « Cela va bien, » dit-il à M. de la Hérodière. « Nous nous en tirerons. Mais pourquoi diable, à votre âge, vous exposez-vous à la pluie pendant plusieurs heures, et en sueur encore ?» Charlotte ne se contenta pas de ces paroles, et pour en savoir davantage, elle accompagna le médecin lorsqu'il descendit. « Vous avez parlé sincèrement à mon père ? » demanda-t-elle. « Assurément, comme toujours. » Les médecins ne disent jamais que la vérité. Sans doute, mais c'est toute la vérité que je demande. Vous êtes certain que mon père guérira de cette maladie ? Je l'espère, et je puis vous promettre que nous ferons tout pour cela. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je le pensais, Dieu le guérit, dit Ambroise Paré. La nature a des mystères que nous ne pouvons sonder d'une main sûre. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai bonne espérance. Cependant, il faut voir. Voir quoi ? Voir la marche que la maladie suivra. Monsieur, votre père, a été gravement pris. L'inflammation occupe une certaine étendue. L'épanchement s'est produit. Il faut voir maintenant ce qu'il en adviendra. Combien faut-il de temps pour cela ? Avant de répondre, le docteur Cafons regarda Charlotte attentivement. Pourquoi donc le questionnait-elle ainsi ? Je vous en prie, continua-t-elle, répondez-moi. Mais, ma chère demoiselle, je ne puis le faire d'une façon positive. Vous demandez combien durera la maladie de votre père. En réalité, je n'en sais rien. La pleurésie a une durée variable, 2, 3 ou 4 septénaires. Elle le regarda comme si elle ne comprenait pas. Les septénaires sont des espaces de 7 jours, continua le docteur, répondant à son interrogation muette. En dehors de cette durée variable, elle peut passer à l'état chronique. Vous voyez que je ne puis rien préciser. » Elle resta un moment absorbée dans sa réflexion. « Mais vous pouvez préciser au moins, dit-elle enfin, que mon père n'est pas en danger immédiat. » « Je crois pouvoir vous l'affirmer. » Elle parut respirer avec soulagement, et le médecin, croyant son interrogatoire terminé, se dirigea vers sa voiture, mais elle le retint encore. « Est-ce que, dans l'état où il est, mon père peut être profondément affecté en bien par une grande joie, ou en mal par un violent chagrin ?»« Assurément, la joie est toujours bonne. Je ne dis pas qu'une grande joie le guérirait, mais elle lui serait très favorable. Quant au chagrin, vous comprenez qu'il aurait pour effet fatal d'empirer la fièvre. » « Je vous remercie. » Le docteur Carfons monta dans son cabriolet, vivement intrigué. Pourquoi toutes ces questions ? Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des héritiers demander précisément quel jour mourrait un parent à héritage, et vouloir qu'on leur fixât le moment de leur bonheur. De pareilles idées pouvaient-elles être celles de cette jeune fille ? Si peu porté qu'il fût à être belle âme, après avoir exercé la médecine durant 30 années dans un pays où l'argent est terriblement puissant, il se refusa à admettre que la curiosité de Charlotte eût un mobile de ce genre. Ses yeux naïfs, ce regard limpide, cette voix franche, ne pouvaient pas mentir. Il y avait là tout simplement un mystère que le temps éclaircirait. Fin de la section 28.